C'est génial ce qu'on peut faire maintenant, la musique, on peut. On n'a même plus besoin d'acheter des instruments. Moi, je vais vous montrer mon plus joli synthé, le plus beau synthé que j'ai. Tiens, Donati, tout à l'heure, tu m'as fait penser. Regarde, je crois que j'ai trouvé ton synthé de tout à l'heure. La marque. Attends, viens. Le bon tant pis. Le synthé que tu peux emmener, il est dégueulasse par contre. Hein. Et tu peux jouer des accords, hein. Viens. C'est dur, merde. Avec mes gros doigts, c'est dur. J'ai trouvé dans les poubelles un jour. Un jour, il était dans les poubelles, ce machin, et c'est... Attends, fais voir, j'arrive pas à lire. Fabriqué, écoute bien. C'est un fabriqué en Italie. Hein. Je sais pas si t'arrives à lire. Attends, on n'arrivera pas à lire. Mais le machin, il est fabriqué en Italie, quoi. Pour une fois que c'est pas fait en Chine. J'entends un piano. Il va revenir, hein, il va nous faire écouter sa chanson. C'est quoi ça? C'est comme effet là? Un peu space. Alors on va réécouter la chanson. Zut, plan, le canal, ça y est. Thank you. Non, j'avais pas trouvé. Vangelis, sors de ce corps. Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Enjoy the silence. The vraiment le son de Vangelis, hein. J'arrive pas à grandir ta caméra. We'll be right back. j'avais pas entendu la basse de Peter.